Schädel fürs Bühlernall. La journée, et elle me colle, toujours en train, je m'y suis, salut tu es, finalement, on s'entend bien, je choisis, pour déjeuner, que des mets, qui leur convient, c'est toujours, très épicé, pour qu'elle se développe bien, pour qu'elle se développe bien. Yeah.